Margot par Alfred de Musset. Chapitre 1er. Dans une grande et gothique maison rue du Père Chaumaret, habitait en 1804 une vieille dame connue et aimée de tout le quartier. Elle s'appelait Madame Doradour. C'était une femme du temps passé, non pas de la cour, mais de la bonne bourgeoisie, riche, dévote, gaie et charitable. Elle menait une vie très retirée. Sa seule occupation était de faire l'aumône et de jouer au Boston avec ses voisins. On dînait chez elle à 2 heures, on soupait à 9. Elle ne sortait guère que pour aller à l'église et faire quelquefois, en revenant, un tour à la place royale. Bref, elle avait conservé les mœurs et à peu près le costume de son temps, ne se souciant que médiocrement du nôtre, lisant 16 heures plutôt que les journaux, laissant le monde aller son train et ne pensant qu'à mourir en paix. Comme elle était causeuse et même un peu bavarde, elle avait toujours eu, depuis 20 ans qu'elle était veuve, une demoiselle de compagnie. Cette demoiselle, qui ne la quittait jamais, était devenue pour elle une amie. On les voyait sans cesse toutes deux ensemble à la messe, à la promenade, au coin du feu. Mademoiselle Ursule tenait les clés de la cave, des armoires et même du secrétaire. C'était une grande fille sèche, à tournure masculine, parlant du bout des lèvres, fort impérieuse et passablement acariâtre. Madame Doradour, qui n'était pas grande, se suspendait en babillant au bras de cette vilaine créature, l'appelait sa toute bonne et se laissait mener à la lisière. Elle témoignait à sa favorite une confiance aveugle. Elle lui avait assuré d'avance une large part dans son testament. Mademoiselle Ursule ne l'ignorait pas. Aussi faisait-elle profession d'aimer sa maîtresse plus qu'elle-même et n'en parlait-elle que les yeux au ciel avec des soupirs de reconnaissance. Il va sans dire que Mademoiselle Ursule était la véritable maîtresse au logis. Pendant que Madame Doradour, enfoncée dans sa chaise longue, tricotait dans un coin de son salon, Mademoiselle Ursule, affublée de ses clés, traversait majestueusement les corridors, tapait les portes, payait les marchands et faisait damner les domestiques. Mais dès qu'il était l'heure de dîner, et dès que la compagnie arrivait, elle apparaissait avec timidité dans un vêtement foncé et modeste. Elle saluait avec componction, savait se tenir à l'écart et abdiquer en apparence. À l'église, personne ne priait plus dévotement qu'elle et ne baissait les yeux plus bas. Il arrivait à Madame Doradour, dont la piété était sincère, de s'endormir au milieu d'un sermon. Mademoiselle Ursule lui poussait le coude et le prédicateur lui en savait gré. Madame Doradour avait des fermiers, des locataires, des gens d'affaires. Mademoiselle Ursule vérifiait leurs comptes et en matière de chicane, elle se montrait incomparable. Il n'y avait pas, grâce à elle, un grain de poussière dans la maison. Tout était propre, net, frotté, brossé, les meubles en ordre, le linge blanc, la vaisselle luisante, les pendules réglées. Tout cela était nécessaire à la gouvernante pour qu'elle pût gronder à son aise et régner dans toute sa gloire. Madame Doradour ne se dissimulait pas, à proprement parler, les défauts de sa bonne amie. Mais elle n'avait su de sa vie distinguer en ce monde que le bien. Le mal ne lui semblait jamais clair, elle l'endurait sans le comprendre. L'habitude d'ailleurs pouvait tout sur elle. Il y avait 20 ans que Mademoiselle Ursule lui donnait le bras et qu'elle prenait le matin leur café ensemble. Quand sa protégée criait trop fort, Madame Doradour quittait son tricot, levait la tête et demandait de sa petite voix flûtée « Qu'est-ce donc, ma toute bonne ?» Mais la toute bonne ne daignait pas toujours répondre, ou si elle entrait en explication, elle s'y prenait de telle sorte que Madame Doradour revenait à son tricot en fredonnant un petit air pour n'en pas entendre davantage. Il fut reconnu tout à coup, après une si longue confiance, que Mademoiselle Ursule trompait tout le monde, à commencer par sa maîtresse. Non seulement elle se faisait un revenu sur les dépenses qu'elle dirigeait, mais elle s'appropriait, par anticipation sur le testament, des hardes, du linge et jusqu'à des bijoux. Comme l'impunité l'enhardit, elle en était enfin venue jusqu'à dérober un écrin de diamants, dont, il est vrai, Madame Doradour ne faisait aucun usage, mais qu'elle gardait avec respect dans un tiroir depuis un temps immémorial, en souvenir de ses appâts perdus. Madame Doradour ne voulut point livrer aux tribunaux une femme qu'elle avait aimée. Elle se borna à la renvoyer de chez elle et refusa de la voir une dernière fois. Mais elle se trouva subitement dans une solitude si cruelle qu'elle versa les larmes les plus amères. Malgré sa piété, elle ne put s'empêcher de maudire l'instabilité des choses d'ici-bas et les impitoyables caprices du hasard qui ne respectent pas même une vieille et douce erreur. Un de ses bons voisins, nommé M. Després, Étant venue la voir pour la consoler, elle lui demanda conseil. « Que vais-je devenir à présent ? » lui dit-elle. « Je ne puis vivre seule. Où trouverai-je une nouvelle amie ? Celle que je viens de perdre m'a été si chère, et je m'étais si habituée que, malgré la triste façon dont elle m'en a récompensée, je suis au regret de n'en avoir plus. Qui me répondra d'une autre ? Quelle confiance pourrais-je maintenant avoir pour une inconnue ?»« Le malheur qui vous est arrivé, » répondit M. Després, « serait à jamais déplorable s'il faisait douter de la vertu une âme telle que la vôtre. Il y a dans ce monde des misérables et beaucoup d'hypocrites, mais il y a aussi d'honnêtes gens. Prenez une autre demoiselle de compagnie, non pas à la légère, mais sans y apporter non plus trop de scrupules. Votre confiance a été trompée une fois. C'est une raison pour qu'elle ne le soit pas une seconde. « Je crois que vous dites vrai, » répliqua Madame d'Oradour, « mais je suis bien triste et bien embarrassée. Je ne connais pas une âme à Paris. Ne pourriez-vous me rendre le service de prendre quelques informations et de me trouver une honnête fille qui serait bien traitée ici et qui servirait du moins à me donner le bras pour aller à Saint-François d'Assise ?» Monsieur Després, en sa qualité d'habitant du Marais, n'était ni fort ringambe ni fort répandu. Il se mit cependant en quête, et quelques jours après, Madame d'Oradour eut une nouvelle demoiselle, à laquelle, au bout de 2 mois, elle avait donné toute son amitié, car elle était aussi légère qu'elle était bonne. Mais il fallut, au bout de 2 ou 3 mois, mettre la nouvelle venue à la porte, non comme malhonnête, mais comme peu honnête. Ce fut pour Madame d'Oradour un second sujet de chagrin. Elle voulut faire un nouveau choix, elle eut recours à tout le voisinage, s'adressa même aux petites affiches, et ne fut pas plus heureuse. Le découragement la prit. On vit alors cette bonne dame s'appuyer sur une canne et se rendre seule à l'église. Elle avait résolu, disait-elle, d'achever ses jours sans l'aide de personne, et elle s'efforçait en public de porter gaiement sa tristesse et ses années. Mais ses jambes tremblaient en montant l'escalier, car elle avait 75 ans. On la trouvait le soir auprès du feu, les mains jointes et la tête basse. Elle ne pouvait supporter la solitude. Sa santé, déjà affaiblie, s'altéra bientôt. Elle tombait peu à peu dans la mélancolie. Elle avait un fils unique nommé Gaston, qui avait embrassé de bonne heure la carrière des armes et qui en ce moment était en garnison. Elle lui écrivit pour lui conter sa peine et pour le prier de venir à son secours dans l'ennui où elle se trouvait. Gaston aimait tendrement sa mère. Il demanda un congé et l'obtint. Mais le lieu de sa garnison était, par malheur, la ville de Strasbourg, où se trouvent, comme on sait, en grande abondance, les plus jolies grisettes de France. On ne voit là que de ces brunes allemandes, pleines à la fois de la langueur germanique et de la vivacité française. Gaston était dans les bonnes grâces de 2 jolies marchandes de tabac qui ne voulurent pas le laisser s'en aller. Il tenta vainement de les persuader, il alla même jusqu'à leur montrer la lettre de sa mère. Elles lui donnèrent tant de mauvaises raisons qu'il s'en laissa convaincre et retarda de jour en jour son départ. Madame d'Oradour, pendant ce temps-là, tomba sérieusement malade. Elle était née si gaie, et le chagrin lui était si peu naturel, qu'il ne pouvait être pour elle qu'une maladie. Les médecins n'y savaient que faire. « Laissez-moi, » disait-elle, « je veux mourir seule. Puisque tout ce que j'aimais m'a abandonné, pourquoi tiendrais-je un reste de vie auquel personne ne s'intéresse ?» La plus profonde tristesse régnait dans la maison, et en même temps le plus grand désordre. Les domestiques, voyant leur maîtresse moribonde et sachant son testament fait, commençaient à la négliger. L'appartement, jadis si bien entretenu, les meubles si bien rangés, étaient couverts de poussière. « Oh, ma chère Ursule !» s'écriait Madame d'Oradour. « Ma toute bonne, où êtes-vous ? Vous me chasseriez, ces marauds-là » Un jour qu'elle était au plus mal, on la vit avec étonnement se redresser tout à coup sur son séant, écarter ses rideaux et mettre ses lunettes. Elle tenait à la main une lettre qu'on venait de lui apporter et qu'elle déplia avec grand soin. Au haut de la feuille était une belle vignette, représentant le temple de l'amitié avec un autel au milieu et 2 cœurs enflammés sur l'autel. La lettre était écrite en grosse bâtarde, les mots parfaitement alignés avec de grands traits de plume aux queues des majuscules. C'était un compliment de bonne année, à peu près conçu en ces termes. « Madame et chère marraine, c'est pour vous la souhaiter bonne et heureuse que je prends la plume pour toute la famille, étant la seule qui sache écrire chez nous. Papa, maman et mes frères vous la souhaitent de même. Nous avons appris que vous étiez malade, et nous prions Dieu qu'il vous conserve, ce qui arrivera sûrement. Je prends la liberté de vous envoyer 6 jointes des rillettes, et je suis avec bien du respect et de l'attachement, votre filleule et servante, Marguerite Piedleux. » Après avoir lu cette lettre, Madame de Radoux la mit sous chevet. Elle fit aussitôt appeler M. Després et lui dicta sa réponse. Personne dans la maison n'en eut connaissance, mais dès que cette réponse fut partie, la malade se montra plus tranquille, et peu de jours après, on la trouva aussi gaie et aussi bien portante qu'elle l'avait jamais été.